Bonjour, chers auditeurs, que vous soyez habitués de l'émission, que vous soyez de passage. Ça me fait plaisir de vous accueillir. C'est Michel Monnette au micro pour l'émission Les Oreilles ailleurs. Cette semaine, c'est une émission entièrement consacrée à un chanteur, auteur-compositeur que j'adore, Tom Waits. On va écouter des chansons en hébreu, des chansons en suédois, en finlandais, en italien, en polonais, en allemand, de ce chanteur qui est né le 7 décembre 1949 à Ponoma, ça c'est en Californie. Son premier album, c'est Closing Time, son premier album est sorti en 1973. C'est un artiste surtout connu pour son lyrisme et ses compositions poétiques, mais aussi beaucoup pour sa voix éraillée, graveleuse, assez particulière. Un véritable culte est né autour de lui au fil des années, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Surtout parce que ses compositions sont sans comparaison. Il est une source d'inspiration pour de nombreux musiciens. Sa propre inspiration à lui est enracinée dans le blues, dans le rock, le folk aussi, grande influence d'un écrivain américain qu'on aime beaucoup ici au Québec parce qu'il est de descendance canadienne-française, Jack Kerouac. Les présences de Tom Waits sur scène sont assez légendaires parce qu'il est autant un conteur qu'un musicien. Il donne souvent de longs monologues avec un humour très sarcastique. En dehors de la musique, il a aussi joué dans des films de Francis Ford Coppola, des films de Jim Jarmusch et Robert Altman. Je me rappelle encore la première fois chez un ami, celui-ci avait sorti un des premiers albums de Waits en disant qu'on allait beaucoup aimer. Croyez pas si bien dire, je suis immédiatement tombé en amour avec sa musique. Un amour qui persiste au fil des années. Je ne suis pas la seule d'ailleurs, puisque plusieurs artistes ont fait des reprises de ses chansons. On va débuter avec deux pièces tirées d'un album paru en 2013, l'an passé, donc en hébreu. Shirim Mishumashim, Used Songs. C'est aussi le nom d'une compilation des meilleures chansons de Tom Waits, un best-of, sorti en 2001, Used Songs 1973-1980. Reprise par la version en hébreu, sortie en 2013, et formée de reprises par divers artistes israéliens peu connus à l'extérieur de leur pays. On va en écouter deux, de Yaron Ben Ami et Noah Golansky. On va écouter Kapayim. Ça, c'est la reprise de Clap Hands, Clap Hands, une chanson très sombre qui traite de la dure réalité. C'est une chanson qui est parue dans l'album Big Time en 1988. Ensuite, on va écouter la chanteuse Talia Eliav, très belle voix Talia Eliav, et son dernier long jeu d'ailleurs qui est sorti en 2013, 6.2.28, tout simplement parce qu'il y a 6 pièces en 28 minutes. Elle va interpréter dans Shirim Mishumashim, elle a interprété Gvura Vernaxima, qui est la reprise de Dead and Lovely de l'album Real Guns, un album de Tom Waits paru en 2004. On va donc commencer par ces deux premières pièces. Yain, yain, kulam al azayn, baderech legan eden pimcheru li taofnaim. הכבאי והכרטיסן בזון, באים מפתח תקווה בחורה בלי פיצוי, בגשם בחלום עם בקבוק למילון. כפיים, כפיים, כפיים, כפיים. רעם רעם רעם ושגה, כבר לא יחזור על דאגה, ירח בחלון וציפור על עמוד, תמיד יש מיליונר שיעמיס את כל הגוד. כפיים, שלם עם אקדח בתחתונים, שטר של חמישים בתוך כובע אדום, ואף אחד לא יודע איפה בן גוריון היה. Yeah. Voilà, c'était Talia Eliav. Son nom s'écrit T-A-L-Y-A-E-L-I-A-V en deux mots. C'est une juive d'Israël. L'album dont étaient tirées les deux pièces, celle de Yaron Ben Ami et Noah Golansky, et la dernière de Talia Eliav, c'est Shirim Meshumashim, S-H-I-R-I-M. Meshumashim, c'est M-E-S-H-U-M-A-S-H-I-M. Très belle trouvaille, très belle découverte que cet album. On enchaîne avec Bad Liver and Hans Brutzner-Hjartan. C'est un groupe de Suède qui est devenu Bad Liver après avoir sorti un premier album en 1989. C'est un groupe de Gothenburg. C'est une ville située quelque part au nord de la Suède. C'est un groupe qui est né dans les années 80. Ils ont surtout joué des chansons de Tom Waits. On va écouter deux pièces justement de l'album de 1989. L'album s'appelle Fjorton Sanger. On va écouter Bla Violar. Ça, c'est une reprise de Blue Valentines. C'est la dernière pièce de l'album de Tom Waits du même nom, sorti en 1978 sur le label Asylum Records. Avec Blue Valentine, Tom Waits introduisait pour la première fois des claviers et guitares électriques pour un ton plus rock. On va écouter aussi Farbar Gösta, de la même tiré du même album, l'album suédois évidemment de Bad Liver et Hans Brutzner-Hjartan. C'est la reprise Farbar Gösta, c'est la reprise de Cemetery Polka de l'album Rain Dogs. Magnifique album Rain Dogs, sorti en 1985. On va tout de suite enchaîner après avec Bo Kasper Orchestra. Ça, ce sont des Suédois. On va écouter la pièce All Är Som Förut de l'album Vilkatrar Vi At Vi Är. C'est un album paru en 2003. C'est une reprise de All The World Is Green qui était dans l'album Blood Money, sorti en 2002. Vous demandez comment je vais faire pour écrire, retenir tous ces noms. Faites-vous-en pas. Tout ça va être sur le blog lesoreillesailleurs.net, lesoreillesailleurs en un seul mot.net. Tout de suite, pas tout de suite, peut-être une heure après la fin de l'émission, tantôt. On enchaîne donc avec Bad Liver et Hans Brutzner-Hjartan. Skickar blå violer hela vägen från Västerås för att minna mig om någon hon tror jag en gång var. Det känns som om hon önskade se mig död. Jag håller noggrann uppsikt bakom ryggen min. Jag tror jag är på flykt. Det är därför jag bytt mitt namn. Jag hade aldrig trott du skulle hitta mig här. Blåvioler som en drömman nästan glömd. Sten i min sko när jag vill fortsätta min väg. Och skuggspår av dig, tisten i min kyss. Och tjuven som bryter rosens kväll. Ett fastbränt falskt löfte dolt under min hud. Jag vet att du minns allting jag glömt. Blåvioler, när jag vill vara stark att visa att din kärlek var större än jag. Varför luktar min skugga nattgammal parfym? Din lukt rinner i mitt blod. Älskling, det skulle vara så lätt att gå ett par steg. Hjärtat stumt och blint, vi gravt långt bort i Västerås. Gösta, farbror Gösta, han ser ut som en nyflådd säl. Han är ett högdjur nere på centralen, spelar bingo varje torsdagskväll. Moster Magnhild, farbror Gotthard, fixar stålarna när Hitler vann. Och nu ber de troget till Jehova, du kommer aldrig att få se ett gram. Moster Märta känner smärta, och i huvudet är brast ett kärl. På radion snackar Hasse Tellemar, och katten hennes dog av svält. Om du vill något, fråga farbror Vilgot, han vet allt som du bör känna till. Han säljer tidningar med stora feta damer, och en av dem där finns en häst. Farbror Bill kommer aldrig till, och tumören hans är stor som ett ägg. Han har köpt sig en fru ifrån Polen, och jag tror hon har en arm av plast. Farbror Roger behöver sina droger, han kan inte gå till posten själv. Och nu måste vi hitta alla stålar, ta dem nu och sen en överdos. Farbror Gösta, farbror Gösta, han ser ut som en ny flott säl. Han är ett högdjur nere på centralen, och spelar bingo varje torsdagskväll. Jag föll djupt och handlöst när jag mötte dig. Även om det gjorde ont har jag aldrig ångrat mig. Jag har gjort så dumma saker, du kunde göra lika bra, säkert mycket bättre. Men du är inte jag. Låtsas som om vi aldrig ses innan allt tog slut. Vi kan drömma oss hem igen, att allt är som förut. Vad var det som hände? Ramla himlen ner? Slocknade solen? Eller var det något mer? Det enda jag hann tänka var att hoppas marken bär. När du sa jag borde inte vara där du är. Låtsas som om vi aldrig ses innan allt tog slut. Vi kan drömma oss hem igen, att allt är som förut. Vi tar en drink i baren, vi ses en sista gång. Jag kysser dig i nacken, de spelar våran sång. Jag får kalla dig min kvinna och ana att du ler. Sen kan jag försvinna, du ser mig aldrig mer. Låtsas som om vi aldrig sett innan allt tog slut. Portikongista kusen tuoks, yöhön leihailee, sekä rotuinen vanha pisk, kadun kulmassa ulisee, ja rappu käytävän lasi ovi, jälleen rikki lyöty on. Tällä puolella kaupungin yö usein onni uneton. Kaduilla kallion, kaduilla kallion, kaduilla kallion. Karhupuistossa turtiainen kirjaston varjossa katselee, kun vanha nainen puiston reunaa väsyneen kävelee. Ja musta silmä ja muovikassi täynnä tyhjiä pulloja, kun talomiehen rouva kauppaan kulkee maanantajaamuna. Kaduilla kallion, kaduilla kallion, kaduilla kallion. Ja muisin Hesarille nämä hahmot horjuvat. Epätoivoisina eteen alkun jo ennen kymmentä saapuvan. Kun leipää ja viinaa ja sirkushuveja kansa kaipaa, eikä nälkäänsä ole synti jonottaa. Kaduilla kallion, kaduilla kallion, kaduilla kallion. Ja tenkassa vanhat miehet tuopin ääressä istuen tappaa aikaa ja itseänsä nuoruusvuosiaan muistellen. Miten joskus näillä kulmilla he kulkivat kuin kuninkaan. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Sir Elwooden Hiljaset Varit. Il est finlandais. Kaduilla Kallion de l'album Puoli Visi Amulia. C'est la reprise de The Neighborhood de l'album Swordfish Trombones. C'est un album de Tom Waits qui était sorti en 1983. Je vous rappelle que l'émission Les Oreilles Ailleurs de cette semaine vous présente des reprises de Tom Waits dans diverses langues. On fait une courte pause publicitaire et on se revoit. À tout de suite. Vous organisez une soirée pour le temps des fêtes avec vos collègues, une journée de formation à votre travail, Pastissimo est là pour vous. Notre équipe d'expérience vous conseillera pour que le volet culinaire de votre événement soit réglé simplement et sans souci. Informez-vous au 88 688 2805 ou pastissimo.com. Burlesque Staculaire présente Bête de scène.

ascolto più. Troppe volte voglio andare via. Ho pagato il conto e non ci sto, non voglio crescere più. Se c'è un treno che non prenderò, non voglio crescere più. Quei progetti che non so che non farò mai. Io scadenze lunghe non ne ho. Che mi cambierà, non voglio crescere più. Non è la vostra finta libertà, non voglio crescere più. Io non voglio grasso ai fianchi, coi capelli tutti bianchi. Quando il passo lento arranca, con le gambe sulla panca, io non cresco. Grida con papà, non voglio crescere più. E questa notte lui non tornerà, non voglio crescere più. Resto chiuso in casa mia, prima di ogni nostalgia. Io non voglio Prato Croce, così sia. Crescere più, il disegno è spicciolo, non voglio crescere più. Il denaro è il crimine, se il lavoro è un limite, io non voglio collezioni, niente conti delle azioni, non coltivo un'ambizione, cambio sempre convinzione, dentro solo una canzone, io non cresco. Trzyma i na ruszła grozi metra huk. Zarwa rące kupie kolty dwa, byle też zapędzi mnie w kozi róg. Mord 16 ze mną pije rum, na użyka skrzyni jego maś. Skąd dwie pary nogi w głowie szum. kurwo, nie rydę, ja nie mogę wstać. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą, twój dom cię pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą, twój dom cię pali, a dzieci same są. Smutno patrzę za kubańskich krat, marny ułożyciel cudzych żon. Przez księżyca pełni głupio wpadł, na ostrzoża dla krwi oto blon. Ktoś butelką poubiewali mnie, narwnąłem na diabelski chwost. Flamik brodzi w kryształowym szle, świat piękniejszy jest już brukliński most. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą, twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą, twój dom się pali, a dzieci same są. Żół na pośle zatem do Hongkong, gdzie prowadzi wędrowniczek jaś. Wrócę w karnawale zarty ląk, $100 daj mi światło zgaś. Mord 16 ze mną pije rum, na użyka z księgi kurwa mać. Skąd w tej pary nogi w głowie szum, kurwon mnie rytę, ja nie mogę wstać. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą, twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą, twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą, twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą, twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą, twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą, twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą, twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą, twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą, twój dom się pali, a dzieci same są. Hej, ptaszku, mam wiadomość złą, twój dom się pali, a dzieci same są. Outfit. He hop the moon, he hop the cars, he hop. kadek i hobdy duchan, owa kafet i hobdy pfan, owa kafet to chyby grosy kagran, grosy kagran i pen grosy kagran, grosy kagran. Bis noch einer zu lange Nacht. Wie schön du in der Fruße kommst, das hätte ich nie gedacht. Du bist ja mir nur mehr ein Stern, der in der Ferne blinkt. Und ich vergiss oft, wer ich bin, wer du spürst und wer da singt. Ich hab die Grenze nie erkannt, bis du einmal zurückblieben bist. Ich hab nicht gewusst, wie ich dich brauch, doch wir haben dich vermisst. Ich hab mein Liebe gut versteckt hinter meiner Eitelkeit. Ich hab nie auf mein Herz gehört und das bereue ich heut. Ich hab nie begriffen, was ich hab, bist verloren gegangen. Das Mondlicht hat dein Gesicht verzaubert, deine Brüste geküsst. Dein Herz war mir so fremd, bis es mir genommen worden ist. Die Tränen hab ich nicht bemerkt, bis zu spät gewesen. So nie aufgesehen, bis noch einer zu lange Nacht. Wie schön du in der Fruße kannst, das hätte ich nie gedacht. Du bist für mich nur mehr ein Stern, der in der Ferne blinkt. Und ich vergiss oft, wer ich bin, wer du spürst und wer da singt. Wer da spürt und wer da singt. Tom West était capable de magnifiques ballades et celle-ci, San Diego Serenade, a été reprise de très belle façon par Wolfgang Ambros, V-O-L-F-G-A-N-G, Ambros, C-A-M-B-R-O-S d'Autriche. On retourne en Italie avec Laura Fedele. Elle a indiqué un album en 2003 qui s'appelle Porno Show. Laura Fedele interprète à Tom Waits. On va écouter la chanson Invito ad una vita in blues de cet album. C'est la reprise de Invitation to the Blues de l'album Small Change, le quatrième album de Tom Waits sorti en 1976. ai suoi sogni di evasione. Calze a rete, prigioniera tra gli hamburger e i caffè. Chiaro invito ad una vita in blues. Com'è che le vuoi le uova? Sfortunato chi ci prova a puntare su qualcuno che c'ha sempre pronta la valigia e un biglietto solo andata per portarsi via da qui. Chiaro invito ad una vita in blues. Ma com'è che guardi solo lei che tra i tavoli si muove un'altra tazza di caffè? Quello che ci vuole sia Mercy, Mercy, Mr. Percy sorride ad un cliente mentre pensa che non resta niente, solo qualche sogno perso in fondo a tutto un bicchiere e un invito ad una vita. C'était Laura Fedele dans la chanson Invito ad una vita in blues de l'album Porno Show. Laura Fedele interpréta Tom Waits, un album sorti en 2003. C'est la reprise de Invitation to the Blues de l'album Small Change. J'ai écouté la pièce et ça m'a rappelé vendredi soir. J'ai assisté vendredi soir au spectacle d'un compositeur de jazz québécois de calibre international, je vous le dis. Il s'appelle Jacques Cuba, K-U-B-A, Cuba Séguin. Depuis tantôt que j'ai un plan, j'essaie de me rappeler le nom de son dernier album, mais il est vraiment bon. Je vous suggère fortement de l'écouter. Jacques Cuba Séguin, c'était très, très bon. On termine cette émission qui se veut une forme d'hommage à Tom Waits. Par la chanson, je me suis gardé le dessert pour la fin, vous comprenez, la chanson, ma chanson préférée de Tom Waits. I hope that I don't fall in love with you, de l'album Closing Time, c'est un album sorti en 1973, Closing Time. C'est Mark Bender qui la chante, qui l'a reprise. Mark Bender, c'est un chanteur country allemand. il a été, il a reçu d'ailleurs le prix du de la l'association indépendante de musique country de l'Allemagne en 2000 pour l'artiste de l'année et aussi pour le meilleur chanteur, le meilleur compositeur de l'année 1999. On écoute donc cette magnifique pièce de Tom Waits. I hope that I don't fall in love with you. Vers l'Iab, dit Ned, c'est tiré de l'album Irgen Gemand. C'est un album paru en 2010. Dass ich mich nicht verlieb in dich. Verliebt sei ist das Schrecklichste für mich. Die Muse spürt und es erkühlt die Leidenschaft in mir. Du zeigst ein bisschen, was du hast, doch ich stehe nur in mein Bier. Ich hoff, dass ich mich nicht verliere in dir. Es ist so voll, die Leute springen herum. Und ich frag mich, ob es gescheit war oder dumm. Wenn ich jetzt auf den Sessel zeig, und du setzt dich nieder, du nimmst die Starre aus meinem Gesicht und sagst, es wird schon wieder. Ich will mich nicht verlieren in dir. Es gibt Nächte, wo man fremde Wege geht. Gefühle, die man selber nicht versteht. Wenn ich mich umdreh und die anschau, wird alles seidig rot. Ich wünscht, ich hätte den Mut, den keiner von uns beiden holt. Ich hoff, dass ich mich nicht verlieb in dir. Stell mir vor, du bist allein wie ich. Und ich könnte nicht die Gesellschaft sein für dich. Jetzt dreh ich mich nur einmal um und sieh zu meiner Freude. Der Bursch, der neben dir gesessen ist, hat Platz gemacht für uns beide. Ich hoff, dass ich mich nicht verlieb in dich. Und es ist schon spät. Voilà, c'est ainsi que se termine l'émission Les Oreilles Ailleurs. L'émission Topic du Capricorne suit avec Michel Bonaparte. Bonne semaine à tous. CKRL. Anjou blanc, cannelle, muscade, girofle, gingembre, citrouille. Pour donner une touche spéciale à vos réunions entre amis, la Barberie vous propose la cuivrée à la citrouille. Cette bière épicée d'une grande favorite. Servie en fût, sa délicate saveur plaît à tous. La cuivrée à la citrouille disponible à la Barberie dès maintenant. Anjou blanc, cannelle, muscade, girofle. Pourquoi choisir Matelas Confort? Parce que les prix du fabricant sont les plus bas. Chez Matelas Confort, vous aurez toujours la meilleure offre, c'est garanti. En tout temps, présentez-nous n'importe quelle offre de la compétition et nous la surpasserons. Pour profiter des meilleurs rapports qualité-prix, rendez-vous chez Matelas Confort.